Quelquefois, l'espoir d'une distraction l'attirait vers les boulevards. Après de sombres ruelles, exhalant des fraîcheurs humides, il arrivait sur de grandes places désertes, éblouissantes de lumière, et où les monuments dessinaient au bord du pavé des dentelures d'ombre noire. Mais les charrettes, les boutiques recommençaient, et la foule l'étourdissait, le dimanche surtout, quand, depuis la Bastille jusqu'à la Madeleine, c'était un immense flot ondulant sur l'asphalte, au milieu de la poussière, dans une rumeur continue. Il se sentait tout écœuré par la bassesse des figures, la niaiserie des propos, la satisfaction imbécile transpirant sur les fronts en sueur. Cependant, la conscience de mieux valoir que ces hommes atténuait la fatigue de les regarder. Il allait tous les jours à l'art industriel, et pour savoir quand reviendrait Madame Arnoux, il s'informait de sa mère, très longuement. La réponse d'Arnoux ne variait pas. Le mieux se continuait. Sa femme, avec la petite, serait de retour la semaine prochaine. Plus elle tardait à revenir, plus Frédéric témoignait d'inquiétude. Si bien qu'Arnoux, attendri par tant d'affection, l'emmena, 5 ou 6 fois, dîner au restaurant. Frédéric, dans ses longues tête-à-tête, reconnut que le marchand de peinture n'était pas fort spirituel. Arnoux pavouait s'apercevoir de ce refroidissement. Et puis, c'était l'occasion de lui rendre un peu ses politesses. Voulant donc faire les choses très bien, il vendit à un brocanteur tous ses habits neufs, moyennant la somme de 80 francs. Et, l'ayant grossi, de 100 autres qui lui restaient, il vint chez Arnoux le prendre pour dîner. Roger Ambard s'y trouvait, ils s'en allèrent aux 3 ferreurs provençaux.